la femme sans parfum qui porte le deuil de ses amants défunts. Il a fallu, oui, j'étais sous le charme qu'il me parle. Ne dis rien, viens, tout est bien. Aime-moi, sois beau et tais-toi. Pourquoi faut-il que tu parles de Virgile et de mon dégât? Plus de câlins, un peu moins de discours pour me faire l'amour. J'aime les avances en silence. Il y avait des roses.